Platé, bonsoir. J'ai fini le texte. En France, le produit illicite est plus consommé le cannabis. En fait, la consommation du cannabis a surtout augmenté pendant les années 90. Aujourd'hui, il semble se stabiliser. Ce sont surtout les jeunes qui en consomment, et parmi les jeunes, ce sont surtout les garçons. On estime qu'il y a 1 200 000 personnes qui fument du cannabis, soit moi 10, soit pas moi, et plus de 500 000 personnes qui en fument tous les jours. Le gouvernement essaie de lutter contre en faisant des campagnes d'information à la radio, à la télévision, ou en nous voyant des brochures explicatives dans les collèges et lycées. Mais la consommation ne baisse pas. Je vous donne quelques chiffres. En 2005, 30% des Français âgés de 18 à 64 ans disent avoir fumé au moins une fois du cannabis dans leur vie. Si on pose la question, consommez-vous régulièrement du cannabis? La moitié, 50% des garçons de 17 ans répondent oui. Et si on pose la même question aux filles de 17 ans, 94% répondent non. On peut donc comparer la consommation de cannabis chez les jeunes à la consommation d'alcool avec une différence importante. Le cannabis est interdit et la loi punit sévèrement ceux qui possèdent cette drogue. Arrasei.